L'éternel règne, que la terre soit dans l'allégresse, que les îles nombreuses se réjouissent. Les nuées et l'obscurité sont autour de lui. La justice et l'équité sont la base de son trône. Le feu marche devant lui et embrase les ennemis tout autour. Les montagnes fondent comme l'acide devant l'Éternel de toute la terre. La lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. La lumière et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Vous qui aimez